à moi plaisir. Ah, qu'un front et qu'une âme à la tristesse en proie feignent malaisément et le rire et la joie. André Chénier. À moi plaisir, à moi joyeuse ivresse, versez, versez ce nectar à longs flots. Réveillez-vous, beau jour de ma jeunesse, de mon front chassez les pavots. Quoi, vous fuyez? En vain je vous convie. Vous restez sourds, rétifs à mes accents. Ciel, à jamais la vieillesse ennemie domine-t-elle mon printemps? Que je vieillis, enfant hier encore, moi né d'hier et déjà sans désir, ô désespoir, à peine à mon aurore serais-je donc mort au plaisir? En moi s'éteint l'éclair de la pensée, mes pas errants s'alentissent sans but, je sens la vie en mes veines glacées et mon cœur ne palpite plus. J'ai souhaité la coupe de l'ivresse, heureux mortel, j'ai vu chaque matin, je ris plaisir, enfant de la richesse, planer sur mon joyeux destin. Un seul instant, j'ai goûté de la vie, le doux nectar, ô jour délicieux. Félicité, me seriez-vous ravie? Pour toujours, fuyez-vous ces lieux? Las, je languis maintenant sur la terre, je ne sais plus ni trembler, ni frémir. Mes yeux lassés redoutent la lumière et je voudrais en vain rougir. Mon front pâli semble appeler la tombe quand sous mes pas est un long avenir. Au noir marasme, à l'ennui, je succombe. Je ne puis vivre ni mourir. Hélas, pour moi n'est-il plus rien encore? Ne m'est-il plus de soleil radieux? Le vif éclat de quelque météore ne pourrait-il charmer mes yeux? Ah, sur mon front, pour rappeler les roses plus éthérées, n'est-il point de zéphyr? Pour d'autres fleurs, sous d'autres cieux écloses, peut-être aurais-je des soupirs. Oui, je le sens, il faut un autre monde à toi, mon cœur mort aux émotions. Pour secouer ta tristesse profonde, il n'est plus de sensation. Il te faudrait vers de lointains rivages errants, chercher des sites inconnus, et naviguant sur le fleuve des âges, trouver des bords inaperçus. Pour ranimer la langueur qui t'accable, pauvre malade, il n'est point de climat, tu moissonnais le bonheur véritable, au seul plaisir vous hantez pas. Sache-le donc, quand l'ardente jeunesse en vain loisir prodigue ses beaux ans, son doux matin fuit, touche à la vieillesse. L'année a perdu son printemps. Juillet 1834.